me chercher ses watts. Mérite de se faire éclater à coups de latte. Eric agressif qui font mal comme des coups de batte. Je prends du poids dans ce milieu comme un boulet de canot. Au bout de mon canot, des plombs qui râlent affite avec la front. Toujours au top pour mon Aldino à chaque rime. J'affaire je casse les côtes avec mes rôles, toujours au B. Hey, 92 gants, j'avance l'autre main sur moi avec mon clan. Toujours premier, quand il s'agit de mettre les gants. Quand il s'agit de te mettre une lucarne dans tes dents. Mon son balaye les faux, les expertises dans le caniveau directement. Hey, jugé par défaut, t'inquiète, toujours ton nom. On nous suit à la trace comme ton nom. On sort de temps en temps comme un classique visé à bronze. C'est pour les mots de scène, toujours autant. Quand on monte sur scène, frère, toujours autant. Qu'on soit en paix ou en guerre, toujours autant. Quand on rentre en cabine, on est toujours autant. Dans les galeries ici, toujours autant. Quand on